quand elle soupire, même les rats s'arrêtent de fuir. Je suis un roi sans royaume, sans armure, mais j'ai son souffle et ça me rassure. Chaque nuit on refait le monde cassé, dans ce bon cœur où tout est déchiré. Nos corps s'en mêlent dans s'apaiser, comme un dernier feu avant la tombée. Elle me peint des ciels avec ses doigts, sur les tôles nos corps font les lois. On construit des châteaux en décombre, à chaque râle un monde qui succombe. La lumière est rare mais on la tient, même si la fin guette au loin. On s'accroche à ce souffle fragile, dans ce désert on trouve nos îles. Des ruines, des mélodies perdues douces et fines. Elle raconte nos espoirs brisés, nos amours morts, nos vies délaissées. Mais dans ce chaos, tu es mon phare, ma lumière dans ce cauchemar. On défie la nuit, on défie la peur, en s'aimant au creux des heures. Yeah.